Bonsoir, bonsoir, c'est DJ Dust pour l'émission Digital Fury. Ce soir, ce sera rétro sur RPL Radio en écoute sur le DAB+. Maintenant, place à la rétro sur RPL Radio. We'll be right back. RPL Radio. Bye. Bye. le meilleur de l'électro sur RTL Radio. is blasting and the head is turning round. Yes, you are! Yes, you are! Yeah. RTL Radio. Digital Fury, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour l'écoute. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, place à Setsine pour leur émission techno. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Bonne soirée et bon week-end. Bisous à vous. vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.